Une équipe d'astronomes vient peut-être de mettre en évidence un signal indirect de l'existence de matière noire sous forme d'action. Et oui, encore eux, mais en provenance du Soleil cette fois. C'est en observant des rayons X dans la proximité de la Terre que cette équipe en est venue à cette conclusion. Comme nous en avons déjà parlé ici encore très récemment, les actions, particules pour l'instant hypothétiques, peuvent du fait de leur masse, certes très faible, et de leur quantité potentielle dans l'univers, représenter une grande majorité de la matière noire. Ces actions auraient des propriétés physiques peu communes, comme celle de se transformer en photons en présence de champs magnétiques. Le leader de cette équipe, George Frazer, est malheureusement décédé 2 jours avant la soumission de leur article relatant ce qui pourrait être considéré comme la première pierre d'une découverte dans quelques années. Au Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, apparaître le 20 octobre. Un article de 67 pages contenant pas moins de 39 figures. Des actions pourraient être produites au cœur du Soleil, traverser facilement les couches internes de notre étoile, puis arriver à la périphérie de la Terre, où par interaction avec le champ magnétique terrestre, elles se transformeraient en photons dans la gamme des rayons X. C'est en effet un excès de rayons X complètement inexplicable qu'ont observé Frazer et ses collègues grâce au télescope spatial XMM Newton. Inexplicable, sauf à considérer la présence d'un flux d'action en provenance du Soleil, qui permet de mettre une origine à ces photons X. Les observations montrent que quand XMM Newton passe à travers le champ magnétique terrestre, du côté exposé au Soleil, il mesure un flux de rayons X plus intense que lorsqu'il se trouve plus éloigné du champ magnétique. Or, en considérant toutes les sources possibles et imaginables connues de rayons X, ce flux atteignant XMM Newton devrait être le même partout. Les chercheurs ont bien entendu évalué, selon eux, toutes les sources de rayons X potentielles, y compris les phénomènes un peu ésotériques comme des interactions du vent solaire avec le champ magnétique terrestre. Mais rien d'autre que l'hypothèse des actions ne permet d'expliquer correctement les observations. Il y a un élément quelque peu surprenant toutefois, c'est que XMM Newton détecte des rayons X même en étant dans une direction orthogonale à celle du Soleil, ce que les auteurs expliquent en montrant que les actions peuvent subir des diffusions avant de muter en photons. Mais des astrophysiciens comme Peter Coles de l'université de Sussex sont tout de même sceptiques face à ces observations, en estimant que l'excès de rayons X observé pourrait être dû à des effets inconnus de physique des plasmas. Il se trouve aussi que, d'après Garcia Irastotza, physicien de l'équipe du CERN Action Solar Telescope, une autre expérience dédiée à la recherche d'actions produites par le Soleil, même si le signal est vraiment intriguant, l'explication avancée par les Anglais impliquerait des propriétés physiques pour l'action qui sont assez différentes de celles théorisées depuis quelques décennies. Quoi qu'il en soit, il est encore trop tôt pour parler de découvertes, ce que les astrophysiciens britanniques ne clament d'ailleurs pas. D'autres observations par d'autres types d'expériences sont nécessaires pour creuser ces observations-là. Et un autre télescope spatial pourrait détecter des rayons X. Chandra X-ray Observatory serait à même de faire le même type de mesure que XMM Newton, avec quelques années d'analyse à prévoir. L'article est à paraître donc dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, en date du 20 octobre, avec pour titre Potential Solar Action Signatures in X-ray Observations with the XMM Newton Observatory. Et il est accessible en préprint sur le site Archive. Vous pouvez le lire dès maintenant. L'adresse est juste en bas du poste.